Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Amel, numéro de téléphone 418-679-4194. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 22 février. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Marianne Saint-Gelais qui a été éliminée lors de la quart de finale aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Marianne qui n'a pas été en mesure de se qualifier pour la demi-finale aux 1000 mètres. En entrevue sur les ondes de Radio-Canada, évidemment, Marianne Saint-Gelais s'est dit déçue du résultat. Que tu aurais souhaité, c'était tes derniers Jeux olympiques, on veut juste savoir comment tu vas en ce moment. Bien, c'est sûr que je suis extrêmement déçue. J'ai l'impression que ces Jeux-là n'ont vraiment pas été comme ce à quoi je m'attendais. J'ai essayé de garder le cap tout le long de ces Jeux-là, parce que justement, j'avais toujours une étape à poursuivre puis à conserver. Mais là, je pense que toute l'âge, puis la valve est ouverte, puis c'est terminé. Donc, je suis très déçue. Qu'est-ce qui a manqué, tu penses? La chance? Aussi, les Hurricanes de Massouillache, il y a eu une rencontre entre les parents des joueurs et Hockey Saint-Lac-Saint-Jean afin de trouver une solution pour dénouer l'impasse qui secoue les Hurricanes de Massouillache. On sait qu'il y a 8 joueurs qui ne se sont pas présentés à l'entraînement la semaine dernière et au match également en guise de protestation face aux agissements du coach Marco Dallaire. Donc, hier, lors de la rencontre, on a travaillé afin de trouver une solution pour dénouer l'impasse. Il y a 2 possibilités actuellement. Soit que Marco Dallaire quitte les fonctions des Hurricanes, ou encore la deuxième, c'est de dissoudre la formation. Une décision finale est attendue aujourd'hui. Le journal Le Quotidien nous apprend ce matin que le nouvel amphithéâtre à Ville-Saguenay pourrait être construit au centre-ville du secteur Chicoutimi. La ville possède 1 à 2 terrains qui pourraient faire l'affaire pour remplacer le centre Georges Vézina. La proposition n'a pas été officiellement faite. La ville, par contre, s'est invoquée dans certaines réunions. Et puisqu'il est question de Ville-Saguenay, maintenant, on a fait une demande d'aide financière pour la construction d'un soccer dome dans le secteur de Jonquière. L'aide qui est demandée pour ce projet, qui est au coût de 20 millions de dollars, a été demandée au gouvernement du Québec. Il y avait un match qui nous intéressait dans la Ligue junior régionale hier. Les Épervilles de Normandie ont gagné 7-6 sur les Sabres de Roberval. Et en fin de semaine, c'était le Super Cashfield, le tournoi de curling qui se déroulait à Saint-Félicien avec quand même plusieurs équipes. Et dans la classe A, victoire de Christophe Boilly sur Raphaël Padry. Dans la classe B, Daniel Bolduc a défait Pierre Bouchard. Et dans la classe C, Marc Bergeron a battu Christian Savard. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Il y a plusieurs entrevues encore une fois. On a parlé d'abord avec René Cadieu du site internet game-focus.com où on parle évidemment du nouveau jeu UFC qui est sorti en magasin. On s'est également entretenu aussi avec Guillaume Lagarde du multiconcessionnaire de la Ligue senior régionale. Je me suis également entretenu avec Joe Hardy où on parle de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.